Et bonjour tout le monde, bienvenue sur cette émission Badoum 03 en ce mercredi matin. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est prêt à composer un nouveau truc encore une fois pour cette 28e émission je crois de Badoum 03, émission consistant très simplement à composer un morceau tous les lundis, tous les mercredis en 3 heures avec des contraintes à la con. Des contraintes que vous voyez ici, contraintes d'accord, contraintes techniques, contraintes de contexte, le tout en moins de 3 heures. Et puis c'est tout, on fait ça tous les lundis, tous les mercredis à 10h, rediffusé évidemment sur YouTube, sur Spotify et évidemment sur Radio Nos Cultures les mardis et jeudi soir. Et puis ensuite sur les internets quoi, sur l'internet de Radio Nos Cultures, radionoculture.wordpress.com je crois, oui c'est ça, je crois que c'est com. Bref. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Badoum 03, on est parti pour une nouvelle petite compo en ce mercredi matin fort ensoleillé ici. Voilà, et nous on s'enferme comme les imbéciles que nous sommes probablement pour composer des trucs, mais ça va être rigolo quand même. Allez, je propose qu'on commence tout de suite par tirer au sort toutes les contraintes, les trois contraintes, et on commence comme d'habitude par la contrainte d'accord. Hop, j'essaie de mélanger un peu parce que sinon... Il y a tout qui se télescope. Je sais pas si c'est le bon mot. Alors, Mathilde, comme la dernière fois, qui propose Mi 6 septième, Mi mineur. Et il va falloir que j'apprenne à ce que c'est, savoir ce que c'est un septième, parce que sinon, je vais passer pour un débile. Alors, Mi. Si. Un 6 septième, c'est ça, je crois. Non, c'est pas ça. Pardon, déjà. Ah, c'est comment déjà 6 septième? Quelle indignité, attendez. Mi. Et Mi mineur. L'alternance majeur mineur. Ça peut être intéressant, ça peut être extrêmement intéressant. Alors je vais noter les accords, je remets la musique. Hop. Alors on est sur du Mi 6 septième et Mi mineur. Donc ça c'est Mathilde, excellente claviériste encore une fois, qui propose ça, et moi je vais en profiter pour aller voir comment on fait un 6 septième. Si c'est quoi, c'est B 7 au ukulélé. D'accord, bah oui évidemment. Hop. Je reprends le petit Billy, je recoupe la musique, et 6 septième, ça va être ça. Mi. 6 septième. Ça donne envie de mettre un ré à la fin, hein. Vous allez pas me faire croire que non. Ça donne vachement envie de mettre un ré majeur à la fin, mais on va pas le faire. Peut-être que si on fait l'inverse, deux fois le premier Mi. Salut Seb, t'es à la bourre, t'es un peu en retard, c'est pas grave. Les accords de Mathilde que Mathilde propose, donc ça fait Mi 6 septième et Mi mineur, et j'ai envie de rajouter un Ré majeur, mais je sais pas, tu vas me dire si j'ai le droit ou pas, selon le contexte peut-être. Si je le fais avec le Ré à la fin, tu vas voir que c'est ultra satisfaisant. Mmh. J'allais continuer après. Ça me donne envie de partir sur plein de trucs après. On verra. Je remets la musique. Oula, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Contrôle de technique que j'ai donc rechargé pour la deuxième fois. On a fait toutes les techniques deux fois, je crois. Et je vais à nouveau bien mélanger. Voilà. Bourdon ostinato, ça va, on a eu bien pire. Un bourdon, c'est une note qui va rester constamment comme un bourdon de bourdon, quoi, qui va rester donc toujours la même pendant tout le morceau. Donc évidemment on prend une note juste et puis on la fait tout le long. Un ostinato c'est la même chose mais avec une mélodie plutôt qu'une seule note. Hop, je vais le noter. Dans ostinato et j'écris boudron et non pas bourdon. Bourdon ostinato, ça va, ça j'aime bien ça. Ça c'est un truc que j'aime bien, que même quand je suis pas obligé j'en mets. Voilà. Et ensuite contrainte de contexte. Là on a toujours pas fait le tour, il en reste deux je crois si je vois bien. C'est ça, il en reste deux. Du coup, t'as le choix entre les deux ou tu vas faire les deux. J'ai le choix entre les deux. La dernière fois, une des deux fois où on est tombé dessus, on a fait les deux parce que. Quitte à le faire. Il en reste deux, oui. Et j'ai le choix entre les deux. Et donc, contrainte de contexte qu'on a toujours pas vu une seule fois, ça va être. Travolta. Travolta et une boule à facettes. Donc, on va partir sur de la funk disco, quoi. Travolta et une boule à facettes. Alors, je note. Je vais baisser un peu la musique. Travolta et une. Je vais mettre une majuscule à boule à facettes. J'espère que ça passe. Je suis pas sûr. Ça passe pas. On va faire comme ça. On va partir sur de la disco. Je n'ai jamais fait de disco de ma vie. Donc, il va me falloir un peu d'aide. Disco, partir sur un truc un petit peu joyeux, quoi. Hop, ici. Le problème avec ça, c'est que les accords sont pas spécialement joyeux, quoi. Surtout cette fin en mi mineur là, qui reste en suspens là. Là, ça me frustre à fond. Ok, disco, donc à partir sur la disco, c'est quoi les spécificités, je mets play, c'est quoi les spécificités de la disco, on a 3 heures pour répondre à ça, donc ça va être une basse, c'est dingue, dès que je suis devant l'ordi, j'oublie tout, une basse, moi je dirais quand même une batterie, un truc un peu classique, quoi. Un truc entre temps, ou un truc un peu comme pour le reggae, finalement. Hop, ça je vais laisser là. Alors, on va aller chercher une batterie. On va vous montrer ça. On est d'accord, un truc comme ça. Easy Drummer, voilà. On va se mettre une petite batterie. Et je sais pas s'il y a des trucs déjà fait, reggae, disco, fever, tout ça. Il y a des trucs de la Motown, mais étrangement, des trucs de la Motown, c'est quand même assez balèze. Voilà, alors si jamais vous nous rejoignez aujourd'hui comme ça, et que vous êtes à la radio, c'est possible aussi, j'ai donc un logiciel de batterie qui me permet de récupérer des trucs déjà faits, que je peux modifier ensuite. Hop, mais tététin. Et donc j'ai le truc de la Motown, c'est-à-dire des batteries de la Motown, c'est-à-dire des trucs des années 70, Jackson 5, tout ça, tout ça. Voyons ce qu'il propose. Bon, déjà, il faut que je monte. On va monter. On va monter à 130 pour voir ce que ça a donné. Truc comme ça, j'imagine, moi. Voyons ce qu'ils ont proposé. C'est vrai qu'il y a ce truc-là souvent d'un pré-refrain avec une batterie un peu rapide. Fait qu'ils vont. On va faire un truc comme ça d'ailleurs. Une basse comme tu as fait. Un truc. 3, 4, 5, 6. Voilà, je vais essayer de faire écouter ce que j'ai en tête là avec sur la basse pour une espèce de pré-refrain un peu cool avec des trompettes et tout. Hop. Oh, pardon, j'ai pas le bon. Voilà. Ce qui ferait. Parce qu'il y a quand même des trucs un peu assez mineur, assez dans la disco, presque un peu sombre, qui quand ça pète du coup est vachement plus. Alors, c'est quoi cet accord, hein? Et on revient sur le mi. Ils sont chelous, les accords sont chelous. Les accords sont chelous, mais on va trouver quelque chose d'un peu cool. Donc ça, je le garde quand même quelque part. Cette petite batterie là, on va dire pré-refrain, ça peut être cool. Les batteries de la Motown sont cool quand même. On va essayer un truc. Le truc, c'est que effectivement, on a deux mi, alors c'est un mi majeur et un mi mineur. J'ai peur qu'à la base, ce soit un peu trop identique. Alors, on va se mettre sur une batterie déjà. Alors. Voilà, faut qu'on trouve le petit charlet qui va bien. On s'en met un, hop, comme ça, tranquille, sur les... Un truc peut-être plus batterie disco, c'est kick snare sur chaque temps et le hi-hat sur les contre-temps ou hi-hat en double croche continue. Ah, un petit pat. C'est comme ça, tu veux dire? Ouais, ça on pourrait utiliser pour. Garde dans un coin de la tête. Et on va l'utiliser plus tard, peut-être. Voilà, on va se faire un truc comme ça. On va se mettre une petite crash quelque part. Et on va se mettre tout ça un peu à fond sur tous les grosses casques là. Ah, ça claque bien là, c'est pas mal. On va voir s'il n'y a pas un son de batterie qui claque un peu plus. Disco pop, bah écoute, je demande le peuple. On va voir ce que ça donne. Peut-être trop, ouais. Ça change beaucoup de trucs, hein. 80 peut-être. 80, j'ai un peu peur. Bon, on va rester sur le basique. Je vais monter un peu le truc et je vais lui mettre un peu plus de reverb. Vintage, tu crois les batteries vintage? Ouais, j'ai pas grand chose, je crois. Hop. Je suis désolé, je suis enrhumé, j'ai toujours le rhume des foins qui me suit. Dirty Rogue, Lamevi, Knock. Ouais, j'ai plus des. C'est plus des sons un peu. Tu vois, Lofi, tout ça, quoi. C'est plus des sons. Comment on dit pas distordus, mais un peu salis, quoi. Que des vrais trucs. On peut essayer Glam Delay pour voir. En vintage, il y a plus de trucs comme ça, quoi. Que le basique. C'est un peu plus propre, du coup. T'as pas les mêmes versions. T'as pas les mêmes versions vintage. Non. Non, non, c'est encore d'autres trucs. Hop. Alors, je vais renommer cette piste pour mettre batterie. Et qu'est-ce qu'on a comme remplissage? C'est des guitares funky. Parce que donc j'ai la basse. Alors je vais faire. Je vais doubler ça parce que j'adore ce son pour ce son de guitare acoustique. Je l'aime beaucoup pour faire une basse bien ronde. Hop. On va essayer. Ce que ça va donner. Hop, variation, je vais changer de couleur. Les guitares, souvent, ça cocotte, c'est vrai. C'est... Alors. Alors, attends. Parce que je fais pas la même chose dans les deux. Du coup, faut que je change ma basse pour qu'elle soit majeure ou mineure, quoi. Et si j'ai pas de bêtises. Change pas grand chose, hein. Où ça? On a quand même tendance à entendre un peu la même chose. Les deux cas. Je peux faire une mesure sur le mi et la deuxième mesure soit. Comment ça? Faire une mesure sur le mi et deuxième mesure. Moi, toi, tu veux dire deux fois le premier mi? Alors, ça fait quoi ça? 1, 2. C'est un peu chaud, c'est un peu chaud, hein. Bon, déjà, je vais mettre un synthé pour être sûr de pas faire n'importe quoi. Je vais me faire un petit synthé, là. Ça donne tellement pareil, le mi mineur, ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Donc, pour ça, je vais me faire un synthé pour être sûr de pas faire n'importe quoi. On va lui mettre un truc un peu à l'ancienne, quoi. Voilà, alors, hop. Simpler, alors j'ai quoi? Pad. Au pif, hein. Bon, bah, du coup, peut-être pas celui-là. Soit dit, j'en ai un de synthé ici. On va l'utiliser. Il est très bien. Il est très joli. Alors, on va faire quoi? On va faire. Hop. Mi majeur, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je vais déjà les faire comme ça. Après, on va voir ce que ça va donner. Hop. Ensuite, j'ai un Si. B, C, D, E. Hop. C'est un B. C'est un B, mais les notes, c'est quoi les notes exactement? C'est quoi les notes exactement de ça? J'ai ça. Donc j'ai un La. C'est bien pour un. On va essayer, hein. Alors j'ai un La en bas. C'est dièse? Non, j'ai bien un La. J'ai un Do dièse. J'ai un Fa dièse. Et j'ai un Si en haut. Écoutez, laissez la police faire son travail. Et du coup, je vais rajouter ici un Si. Histoire qu'il y ait bien 4 notes à chaque fois. Et ensuite, j'ai donc un Mi mineur. Ce qui donnerait quelque chose comme ça. Le début est pas mal, c'est ça le pire. Le début est pas mal, moi c'est m'arrêter sur ce mi mineur qui me frustre. Ça fait disco en vrai. Je peux essayer de recaler un mi majeur à la fin peut-être. We'll be right back. En vrai, ça marche. Ça fait disco, hein. Ça fait disco. Hop. Tu as une enveloppe pour ton santé. J'ai tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux changer? Hop. Hop là, pardon. C'est que ça déforme la tonalité de l'accord en cours de jeu. Non, je pense que c'est un passe-bas qui bouge. On va enlever le délai et tout ça, tu vas voir. Hop. C'est juste des effets de filtre. Ça, je pense que c'est ça, c'est le shaper. Shaper, là, je pense que... Pas beaucoup la basse. On entend pas beaucoup la basse et en même temps le synthé, il est super. Je vais me focaliser sur ces notes là simplement. Alors mi, sol dièse, si. Là j'ai quoi? Hop. Non mais je me suis planté, c'est possible. J'ai pas un seul. Si. Si la dièse. Attends, si la. Des dièses par exemple. Hop, j'ai quoi là? Des dièses et. F dièse. C'est tout à fait étrange ces accords, hein? C'est cool, Mathilde, mais pas toujours quoi. Ouais, c'est bien le sol. Un truc comme ça, pouah, c'est compliqué. Comme il a changé d'accord en plein milieu. Majeur. Septième. Après mi mineur. Et re mi majeur. parfum. C'est tendu, tu dois mettre un bourdon, c'est tout ça. Ouais, mais ça va aller. Ça, je vais bien trouver une note qui va partout. J'espère. Quoique. Pas sûr, hein, parce que vu qu'il y a que des changements d'accords qui sont chelous. Doit bien avoir. Bah oui, voilà, le si. Le si ici là, hop. Il est juste partout. Donc je peux faire un si. Hop. C'est ça. Ouais, c'est chaud ces accords là. Ces accords sont chauds. Après, je sais pas, vous me dites, je pense que là, c'est pas mal d'avoir fait mi majeur, si 7, mi mineur, mi majeur. Peut-être qu'on peut faire ça différemment. Hein. Je vais essayer de trouver une guitare un peu cool, un peu funky. Style, qu'est-ce qu'on a comme style? Si je tape disco, on va pas mettre disco aussi? Ouais, non, Distord, Grain Disperser. Disco, il me faut quoi? Il me faut un truc un peu reggae, surf rock peut-être. Greasy Lightning. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Hop, hop, hop, hop. Pardon, je vais récupérer le jack. Alors, qu'est-ce que ça va donner ça? Ding, ding, ding. Sauf qu'en général, il y a beaucoup de reverb, ouais. Donc on a dit, c'était quoi les accords? Ça, mais avec tiens, je me demande s'il n'y a pas un octaveur quelque part ici déjà fait modulation, non, pitch certainement. Octaveur, si je lui mets un octaveur ici, octave 1, octave 2, comment il marche le truc? Ça marche, ça, j'ai pas l'impression que ça marche. Donc ça c'est le son normal. Hop, je vais le désactiver. J'ai l'impression que c'est vers le bas. Ouais, bah il est pas fou ce truc là. Il est pas fou du tout. Pitch pedal, qu'est-ce qu'il va proposer? Pitch pedal. Max shift des tunes. Octaveur whammy plus une octave. Ouais, je suis moyennement convaincu, très moyennement convaincu. Ah, dégage de là, toi. Voilà. Je vais mettre mon octaveur à moi qui marche pas trop mal, et au pire, on pourra toujours le faire avec, avec celui d'Ableton qui marcherait en bien. Ouais, ça passe. Non, je suis pas en mono. C'est encore pire. Teste des trucs, hein. Ouais, bon, moi, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va enregistrer un truc et puis on va le faire directement sur Ableton. J'en chie. On va mettre le truc. Voilà, on va tenter ça. On va tenter ça. Je sais pas ce que ça va donner. Arrête. Si lui, je lui fais un manque plus 12 ici, vous voyez. Hop. Donc, c'est à dire. Eh, ça marche pas mal. Faut que je mette autre chose. Hein. C'est fou, bon, c'est pas... Ah, mais il y a déjà... Je suis con. Il y a un double octaveur. Et j'ai viré le guitarique. C'est pour ça que le son était un peu dégueu. J'avais dit quoi, surf rock, il joue sur rock and surf, voilà. Très mauvais ton. Ça pour l'instant, lui je vais faire une boucle. Je sais pas trop où je vais, hein, encore une fois. J'ai l'impression de le dire tout le temps, mais c'est vrai. Ça. On va garder ça. Est-ce que je l'ai mis en boucle? Ouais. Il faut vraiment que je m'attaque à la basse, quoi, du coup. Je garde ça. Un jour, j'aurai une carte son avec 114 000 entrées. Et je serai plus obligé de tout détacher, tout rattacher à chaque fois. un truc comme ça. On va faire un truc comme ça. Démarrer là. Hop, je vais faire ça. Ça va éviter de devoir couper le début et la fin à chaque fois. Alors, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça change quoi que ce soit? Cette basse. Hop. Loop. Tones. Faire un truc comme ça à ce moment-là. Salut Daisuke! Ça veut très think. Comme si on bossait dessus depuis quelques jours. Ah écoute, bah c'est la disco, hein! Les années 70, moi j'y peux rien, ça fait think. Travolata, ah j'écris Travolata. J'écris Travolata, en effet. Alors c'est pas Travolata, c'est Travol. Travolta, une boule à facettes. Tout à fait, tout à fait. Vous savez quoi, je vais enregistrer ça parce que ça j'aime bien ça. Ça fait un joli pré-refrain, et après on va faire un refrain qui tabasse. Hop, ça je vais le mettre là. Alors, tu te calmes, tu démarres pas, tu pars dans l'outil. Hop. Et comme ça là on va pouvoir foutre des cuivres et tout quoi. Ça va être toi Daisuke? Un truc comme ça. Hop, on va se mettre un petit plugin. On va aller chercher donc contact pour mettre des cuivres. C'est pour ça qu'on se remet, j'imagine. Alors, donc, faut attendre un peu. Hein, vous connaissez la lenteur légendaire de mon vieil ordinateur. Écoutez, tant que ça marche. Hop. Hop, on va se prendre, voilà, ensemble de trompettes, allez, soyons fous. Hop, hop. Évidemment, il met des plombs aussi à charger. On va y arriver. Hop. Et pourquoi il veut pas? Pourquoi qu'il veut pas lui? Il veut pas me sortir quelque chose? Sûrement quelque chose, hein? Ah, parce que je suis toi. On va faire ça. Hop, et puis comme on est des petits margoulins, on se prend le trombone qu'on a découvert la dernière fois, je vous rappelle. On a tout fait, un morceau entier avec que le trombone. Et j'ai bien aimé. Donc on va se prendre un ensemble de trombones et on va essayer de faire une... Hop. Une quinte comme ça peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qui marcherait là? Alors déjà celui-là, on est, faut bien le mettre là. Donc là, je refais la même chose plus bas. On va essayer de trouver autre chose. Là, je fais la quinte, hein. On va faire la quinte juste simplement. Ah. Je m'ai planté. Lui, il faut que ce soit plus haut. Et je vais doubler ça tout simplement. On va pas s'emmerder non plus. Hop. Et on va mettre tout ça à fond en termes de vélocité pour que vraiment c'est le moment où on envoie du steak quoi. Hop. Ça va, t'as pas grand chose à faire, eh bien, écoute, tant mieux, t'as qu'à rester avec nous, donne-nous des idées. On a galéré, les accords sont un peu chelous, je sais pas si t'as vu. Mi, si septième, mi mineur. Et nous, ce qu'on a fait, c'est donc mi, si septième, mi mineur, mi majeur, et re, mi majeur, etc. On va faire un truc, c'est une suite d'accords que j'aime bien, donc ça donne, si je dis pas de bêtises, mi mineur, fa dièse mineur, et ensuite on va passer en sol majeur, et puis La majeure. Évidemment, j'ai fait deux fois trop lent. Et je suis pas du tout sûr que ce soit ça, hein, le... Hop. Non, c'est pas ça du tout. Ré. Bon, tu vois. Alors, ça donne. Non, ça, c'est, le... c'est la tierce, pardon. Hop, ici. Alors, ça donne Mi, Sol, La, Si. Mi, Sol, La, Si. Donc, Mi, Sol, majeur, je pense. La, Si. Voilà. Hop. J'aime bien, j'aime beaucoup cette montée. Par contre, faut que je change la basse, je pense. Là et si. Faut que je fasse quelque chose de qui suit les accords du coup. Elle est où ma basse ici. Jusque là, je faisais ça. C'est-à-dire mi fa sol. Là, alors, je pense qu'il faudrait que je fasse. Ou un truc comme ça peut-être. On va s'enregistrer ça. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien et ça fait disco pour le coup. Ça pouvait pas dire que ça fait pas disco. Seb, est-ce que tu peux m'en doter Viteuf, s'il te plaît? Très bien. Alors, on est quoi sur du mi? On a des mi mineurs, hein. Hop. Tu n'as pas le message à modoter, c'est parce que tu n'es pas modo. Mm-hmm. Alors, mi mineur, ensuite sol, la, si majeur. Non. J'ai plus rien à m'en doter. Comment ça, t'as plus rien à m'en doter? Moi, je vois utilisateur suspect. Le message a disparu le temps que je... Que le... Quoi? Moi, je l'ai toujours. Moi, je l'ai toujours. Moi, je l'ai toujours, ce petit message-là. Ça veut tout dire que le viewer lambda ne le voit pas car il est en suspect. Bon, on verra bien. Attention disco. Moi, mon modo, je devrais le voir. Ben, j'imagine que oui. Si moi, je le vois. Oui, je pense que oui. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça paraît, je vais donc le mettre à l'octave. Hop, et c'était. Merde. Tones que j'avais mis tout à l'heure, je crois. Pour que ça sonne pas trop mal, tones. Et 42, 92. Bon, à peu près 46, quoi. 42. Voilà. Un couplet un peu cool. Quand enfin je suis à l'intensif. Hop, je renomme tout ça. Je vais lui mettre ici, je vais rajouter un. On va y aller franco, on va faire un double. Une double montée pour la deuxième fois. Alors je suis en mi, hop. Je suis en mi. Je suis très haut sur le trombone en fait. Il est pas... Je vais le faire plus bas le trombone. D'accord, ok. Trombone, je vais le mettre plus bas. Hop, hop. Et du coup. Et là, je vais faire l'inverse. Alors, on va faire trop ça. On va faire un truc comme ça, histoire que la montée soit un peu plus balèze. Vous allez voir, ça va être cool. Là, comme ça, ça paraît un petit peu fouillis. Mais vous allez voir, ça va être cool. Et je me suis planté. C'est sur cette montée-là que je voulais le faire. Hop, hop, hop. Je vais y arriver. Peut-être. Un jour, qui sait. Hop, hop. Poète poète. Pourquoi il me fait des trucs comme ça Ah non mais c'est mon truc qui commence pas au bon endroit. Non mais avec cœur, hein, si tu commences à me faire des trucs comme ça, ça va pas aller mec. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je crois que je me suis planté quelque part, mais où ici. Il a dû être en automodo. Bon, je vais vous laisser, j'ai des morceaux à bosser à la basse. Vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que je peux monter encore plus haut? B3. Bah oui, a priori, oui. Hop. C'est un truc. Et en fait, il manque une note à ce moment-là. Je vais peut-être avoir la fin. Vas-y. En fait, il manquait une note à cet endroit-là, c'est pour ça que j'ai rajouté ça. Ici, peut-être, histoire de... Non, il est faux, celui-là. C'est celui-là qui est faux, qui est très très faux. On va faire ça, c'est très bien. On va faire comme ça. Et du coup. Allez, je vais virer tout ça. Je vais simplement dupliquer tout ça. Voilà. Et ce qui va en donner, vous allez voir un truc qui est bien plus balèze. Celui-là, il est cool, c'est monté. Mais cette montée là, elle est... On va faire un truc comme ça. Ça va être vite fait. On va faire... Voilà. Qu'est-ce que je dis? Un, deux, trois, quatre, cinq. Tam, hop, pardon. Et faut que je le cale celui-là par contre. Faut que je le cale. Et je pense qu'il va être plus là. Un truc comme ça. Et ça va nous faire notre ostinato. Ah ouais, vous l'avez oublié celui-là. Mais non, il y a bien un ostinato à mettre quelque part. Et ça, c'est un ostinato. Hop. Je vais le mettre en boucle. Oh là là là là là! Compliqué, compliqué! Je vais changer de son, je pense. Un truc. Ça, c'est bien ça. Ça fait aussi. C'est toujours un peu à la bourre ces trucs là, c'est chiant. Je suis obligé de... Normalement il est pile dans le temps quoi. Ouais, il y aura... sans parolier ça va être plus compliqué. Hein. Ça va être plus compliqué sans parolier. Bon, on va faire quelque chose quand même. We'll be right back. le double de guitare, je pense. Trouver des paroles là, les gens là. Et après il va falloir trouver un refrain à la hauteur de la montée qui est juste avant elle. Ça peut être que ça, hein. Ça peut être que ça, l'espèce de refrain, quoi. Ouais, je pense qu'en fait c'est bien comme comme refrain entre guillemets. Après je vais, hop, on va refaire tout ça là, on va retout dupliquer, hop, voilà. Celui-là on va pouvoir le mettre là jusqu'à la fin. Il est encore un poil en retard, j'ai l'impression, celui-là c'est super chiant. Ils sont super, ces sons, mais ils ont toujours un poil de retard. J'essaie encore un peu. Moi je trouve cool cette montée là. Disco Fever, ah ouais, c'est très Disco Fever quoi. Moi je suis content. Bon, on triche un peu en utilisant pas vraiment les accords de Mathilde pour la partie qui défonce, mais en même temps ces accords ils sont chiants. Ah ouais, j'avais dit que je doublais la guitare, donc déjà faut que je... Alors, git, L... hop, je vais doubler toute sa guitare. Évidemment, il suffit pas de refaire et de mettre de paner dans un sens ou dans l'autre. Il faut la refaire parce que sinon c'est juste c'est complètement inutile. Alors, je vais faire juste le couplet et le refrain, comme ça après je mettrai en boucle. Alors, c'est quoi déjà? On commence en majeur, hein. Ok. Allez, Disco Fever. Hop, hop, hop. Je vais lui mettre ça, histoire de que ce soit plus facile à découper ensuite. Hop, hop, voilà. Bah oui, ça enregistre pas parce que je suis pas sur le bon truc. Quel abruti. Ouais, parfois des petites erreurs comme ça là. De toute façon, j'avais pas mis le clic. On va dire que c'est un mal pour un bien. C'est parti. Hop. Alors lui, très bien, on le loop, on le met en tons, on lui met une octave dans la gueule. Et lui, c'était monté à peu près jusque là, plus ou moins. Hop, on lui change la couleur. Et on va le mettre partout où il faut, c'est-à-dire là comme ça. Et là, on va faire la montée maintenant. Alors c'était quoi? C'était mi mineur, sol, la, si, si. Et voilà! Les types à bout la technologie. Hop, alors pareil, donc on avait dit tones, on avait dit plus 12 pour l'octaveur, et ici à peu près 40, voilà, très bien. Hop là, et lui, copier, und, coller, et je le mets en boucle, s'il te plaît, merci. Voilà. Et on va le remettre ici. Et ça va donner une guitare un peu plus dynamique, quoi. Vous pouvez plus fort, alors je vais descendre un petit peu. Disco. Des paroles après, hein. Je compte sur vous pour m'aider. Pas mal. Peut-être là, pas mettre de batterie. Bienvenue à bord du Disco Stream. Effectivement, on est pas mal. Qu'est-ce qui nous manquerait? Qu'est-ce qui nous manquerait pour faire une bonne disco, un bon truc bien disco? La basse est un peu forte. Je vais aller mettre un petit roulement de caisse claire ici parce que sinon j'ai l'impression que l'enchaînement, vu que c'est deux fois un mi majeur, ça on sent que c'est le début d'un nouveau cycle quoi, après ça. J'ai une crash qui est décalée, mais ça marche bien. Ça fait beaucoup d'infos quand même dans les oreilles. Ouais. Attends, on va faire un truc comme ça, un peu dans les graves, ça peut être rigolo. Lover's brain, je sais si l'air. Un peu Elvis. Vas-y, par le disco realm. Au père facile, l'arbre serve le realm. Where the sign, where the light, where the fire. On va partir sur. Les refrains vont vraiment faire un truc bien. Avec des trucs beaucoup plus aigus. Ça elle à partir ça. Ça peut être plus aigu ça peut-être. Hop. Que ça soit vraiment. Alors déjà. On va essayer. Un octave de plus. Il se passe quoi? on va mettre les deux. Parce qu'on est des débiles. Alors, mi. Ici. Vu que je les avais décalés, je vais être sûr qu'ils sont bien parfaitement alignés tous les deux. Pour que ça tabasse, quoi. Bon, mais voilà, on est pas mal, on est pas mal. Il va falloir faire du chant maintenant, quoi. Il va falloir faire de la voix. Et si vous avez des idées de texte, surtout, faut pas hésiter. Hop. Ça, je vais essayer de nettoyer un peu tout ce bordel. C'est un peu plus clair pour moi quand je vais le voir. Là, pareil, il y a un truc là, c'est quoi ça? Non, c'est bon, c'est bizarre. Hop. C'est le même synthé partout, donc je peux simplement hop, le copier-coller. Est-ce que... Ouais, très bien. Hop. Par contre, c'est pas les mêmes cuivres partout. Bon, ça, je vais essayer comme ça, parce que ça va être un boulot un peu trop lent, un peu trop chiant. Hop. Ça, c'est quoi, ça, la guitare? Ouais. Guitare. Hop, loop. Voilà, de temps en temps, il y a des trucs comme ça à faire. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Mais écoutez, faut le faire, quoi. Pour être sûr de s'y retrouver après. Après, voilà, je m'en fous, ces couleurs-là, je m'en fous. C'est juste l'histoire-là, au sein de la même piste, de différencier tout le bordel. Ça fait penser, ça fait un peu comment ils appellent ça, du yacht rock. Yacht rock, c'est un peu voilà, c'est le pendant rock du disco des années 70. Et du coup, j'ai envie de faire le disco boat, le bateau, la croisière disco. Croisière disco. Marche sur les flots. Sente. Yeah. La croisière disco. C'est qui, hein? Disco. Elle roule sur les flots. Parce que la basque roule. Ok, donc la croisière disco, elle roule sur les flots. On va partir sur une rime en haut. La croisière disco, elle roule sur les flots. Grelot, marmot. Tchic. Oh là, je suis nul. Dès qu'il n'y a plus Seb, c'est fini. La croisière disco, elle roule sur les flots. Il y a bateau évidemment. La croisière disco, elle roule sur les flots. Elle tangue matelot. Hop. Et je pense qu'on va faire un truc comme ça juste en trois phrases. La croisière disco, elle roule sur les flots. Elle tangue au matelot. Oh, matelot. Croisière disco, elle a tout ce qu'il te faut. Oh, hop. La croisière. croisière disco. Elle a tout ce qu'il te faut. Whisky. Disco, elle a tout ce qu'il te faut. Du groove à gogo. Ah, alors que ça, on est un peu désuet comme ça, c'est très bien, les 110. La croisière disco, elle roule sur les flots. Elle tango matelot. La croisière disco, elle a tout ce qu'il te faut. Et tu vas gogo. Casse gros bateau. Dans la croisière disco, elle roule sur les flots, elle tangue au matelot. La croisière disco, elle a tout ce qu'il te faut, surtout du groove à gogo. Il va falloir que je trouve d'autres paroles en plus. La croisière disco. Bon, au moins, j'ai cette phrase-là qui est faite. T'es inspiré. Eh ben, j'ai pas le choix d'être inspiré. Quand c'est pas là, je suis obligé de faire son taf, quoi. Ça, c'est honteux, ça. C'est honteux. Donc, la croisière disco, elle roule sur le flow, elle tangue au matelot. La croisière disco, elle a tout ce qu'il te faut, surtout du groove à gogo. La croisière disco. Elle a des beaux chapeaux. Chapeau, château. Château. Bienvenue au château. Allez. Bienvenue au château. Ça va, moi, tu rien dire, hein. Je m'en fous, c'est pas grave. Croisière disco, bienvenue au château. On danse sur la piste de danse, mais ça rime pas en haut. Croisière disco, tout ce qu'il te faut sur le gros go. Croisière disco, bienvenue au château. En velours et manteau, genre fais-toi beau, hein, c'est pas mal ça. Bienvenue au chapeau, classe et tout beau. Tu classe et bien beau. Tu es classe et bien beau. Ça, c'est bien ça. La croisière disco. Hop, et je crois que pour l'autre, je vais reprendre les premiers. La croisière disco. Donc là, il me faut deux phrases encore en haut. La croisière disco. Elle rime avec. Qu'est-ce qui rime en haut? Un truc cool. Elle rime avec disco. elle rime avec. Groovy tango. Elle rime avec tango, ouais, c'est bien, elle rime avec tango. Il y a quoi comme mot, elle te mène pas en bateau. J'ai pas déjà mis bateau, non, je crois que... Croisière disco, elle rime... Ouais, allez, elle te mène pas en bateau. Elle te mène pas... Voilà, là, j'arrive pas à écrire. Te mène pas en bateau. Elle rime avec... Elle rime avec tango. Bon, allez, elle rime avec tango. Seb, si tu t'embêtes et que t'as la d'autre, t'hésites pas. Avec ça, moi, je vais faire donc les deux premiers dans le 1, les deux autres un truc, et je vais refaire les deux premiers dans le 3ème. Donc, si t'as la d'autre pour remplacer, remplacer la 3ème partie par tes trucs. Alors, j'ai enregistré ça. Hop. Voilà. Clac. Hey. Je bosse sur Think. Boss. Qu'est-ce que tu fais là alors déjà? De savoir au lieu de bosser. Donc ça devrait quelque chose comme ça. Je vais mettre direct les effets sur la voix. Comme ça on va être tranquille. Voix lead. Voilà. Je suis complètement enrhumé. C'est super agréable. J'écris un partoche. Hey yeah. Faire un truc un peu grave, genre comment c'était? C'est pas Arsene Fire, c'est Bonnet M. Vous voyez la voix grave de Bonhomme. On va faire un truc comme ça. Hop, VX. C'est quoi Think? C'est reprise de Aretha Franklin? Johnny Joplin? Aretha Franklin. Oh, Freedom! Freedom! Mais cette chanson s'appelle pas Freedom, ça s'appelle Think. La croisière disco. Elle roule sur les flots. Je vais laisser ma voix normale histoire que vous m'entendiez bien. La croisière disco. Elle roule sur les flots. Elle tangue au matelot. Un truc comme ça. Allez, on va se le tenter, on va se le tenter. La croisière disco. Elle roule sur les flots. Elle tangue au matelot. La croisière disco. Elle a tout ce qu'il te faut. Surtout du groove à gogo. Faire un truc comme ça pour le refrain. Alors on va écouter, mais en fait vu qu'on passe de mineur à majeur, la fin de la toute dernière phrase du couplet est compliquée à mettre en place. Des caisses disais-je sur le refrain. Pour l'instant je vais continuer sur les couplets. Je vais faire tous les couplets tranquille comme ça et puis on sera bien, voilà, tranquille. 1h33, je fais ce couplet là et après on va faire une pause parce que ça fait déjà 1h30 qu'on est là, hein, mine de rien, ça passe vite. Hop, allez, c'est parti. Je vais me faire une voix, on va changer un peu. Hop, je vais virer les aiguilles là. Je vais me faire une voix un peu grave comme ça. Ouais, yeah, come on. La no no no no. Parfait. La croisière disco. Bienvenue au château. Oh, tu es classé beau. C'est la croisière disco. Elle ne te mène pas en bateau. Et elle rime avec tango. Hop, on va se faire le troisième couplet. Je vais refaire comme le premier. La croisière disco, elle roule sur les flots, elle tangue au matelot. La croisière disco, elle a tout ce qu'il te faut, surtout du groove à gogo. Ok, je suis pas sûr que ça sonne très bien, mais on va essayer. Hop. Et là, il manquait juste une petite, un petit fil de batterie, un fil, donc un break, un papa, pata pata. Hop, fais-moi un truc tout simple. Non, plus simple. plus simple. Je veux la caisse claire, moi, à la fin. Tap, tap. Par contre, ils sont super cool. Allez, on va prendre ça. On va prendre ça et on va couper la moitié. Hop, tu te oh oh. Les... oh oh. Voilà. J'ai envie de garder ça en fait. Voilà, c'est pas mal comme ça. Tango matelot. Ça c'est bien ça. Alors on va s'écouter ça. La croisière disco, elle roule sur les flots. Le tango matelot. Salut Technomix, ça va? On fait de la disco aujourd'hui. La croisière disco. Du disco? De la disco. Il faut 4 phrases pour le faire. Là je viens d'enregistrer les couplets. C'est limite. C'est la croisière. Comment t'as fait, tu peux pas pousser la reverb? Trouve. Alors sache que tu as le droit d'interférer. Et elle rime avec tango. Justement, surtout interfère, tu avais raison. J'ai tendance à bien aimer la reverb, ouais, donc ça va être le beau frère, on va dire. La croisière disco, elle roule sur les flots, elle tangue au matelot. La croisière disco, elle a tout ce qu'il te faut, surtout du beau vagogo. Toujours trop de rire, tu crois? Je vais tout baisser un peu parce que tout est très fort. Tout est très fort. On va aller à moins de 18. Hop, voilà. Pour vous, ça va pas changer grand chose, mais pour Ableton, ça va tout changer. Ça donne plus pop rock que disco, tout ça. Tu trouves? Oh non, je trouve que justement, ça fait très très disco. Ça fait très disco, ça, je trouve. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Tu as d'ailleurs les trucs de la... toutes ces batteries-là, méga rapides, c'est très Motown. Hein. C'est assez noyé. Qu'est-ce qui est assez noyé, Technomix? Technomix. Ok. La croisière disco, bienvenue au master, ouais. Mais c'est compliqué d'avoir un master cohérent pour à la fois que ce soit agréable pour vous sans qu'il y ait trop de pics, qui vous arrache les oreilles, et en même temps que ce soit mixable, truc. Du coup là je compresse comme un sagouin, hein, histoire que pour vous ça fasse pas des écarts de volume gigantesques. Donc voilà, donc en fait moi je commence déjà avec, tu vois ici, un gros compresseur et un gros limiteur. Donc de base c'est assez compliqué de mixer derrière, mais on s'en fout, ici le but c'est pas d'avoir un super mix, le but c'est d'avoir une chanson qu'on aura composée vous et moi ensemble, et juste s'amuser à composer, quoi. Il y a rien de ça va pas plus loin que ça. Si on peut faire une bonne chanson, tant mieux. Si on peut faire une bonne chanson, tant mieux. Si c'est une mauvaise chanson, c'est pas très grave. Le but c'est juste de s'amuser un peu à composer des trucs qu'on a pas l'habitude de composer. Moi j'ai jamais fait de disco par exemple avant. Alors on s'écoute une fois et après on va faire une pause. Il reste 1h25, on se l'écoute une fois. Après je vous mets le clip de Karma. Ça moi ça va me faire une petite pause. Et après on va finir. La croisière disco, elle roule sur les flots. Le tango matelot. La croisière disco, elle a tout ce qu'il te faut, surtout du gros. Bah, les Bee Gees, tu m'en retrouves ça, hein? Et puis les accords aident pas aussi, hein. Ces accords là. C'est la croisière disco. Elle ne te mène pas en bateau. Et elle rime avec tango. It's time and now, man. Ouais, pour les refrains, on va faire un truc très aigu, hein. Bah, très. Elle roule sur les flots. Plus aigu. Elle tango matelot. Mais je voulais faire un couplet un peu bonhomme. La croisière disco. Et le refrain beaucoup plus aigu. Elle a tout ce qu'il faut. On va retrouver les paroles pour le refrain. Surtout du coup, on va faire une pause avant. Mais oui, après, ça va faire quelque chose comme ça, ouais. Plus faire un truc comme ça, ouais, pour le refrain. Pour l'instant, je vous laisse avec le clip de Karma, Silmarillion Ingulois. Et voilà, et on se retrouve dans quelques toutes petites minutes. Restez là, et on va écrire les paroles du refrain et on va enregistrer le refrain. Et le refrain, on va en faire des caisses. Ça va être rigolo. Voilà, on va en faire, limite, j'ai envie de faire des chœurs aussi. On va voir les chœurs, j'ai du mal à ce que ce soit parfaitement juste. Soit je l'ai fait en midi, mais c'est plus des chœurs épiques, symphoniques, tout ça, que des chœurs disco. Soit je l'ai fait là, mais ça va vraiment être le dernier truc, quoi. Allez, je vous laisse avec Karma, et je vous dis dans 2-3 minutes. A tout à l'heure, Odolandena. Ça, c'est l'album. Come on, I'm losing. Et retour sur le stream, c'était Carmack et Brian Ngulwa. Ils ont sorti leur tout nouvel album là il y a une semaine ou deux, que j'ai pas encore écouté, mais il paraît que c'est super cool, que c'est plus bourrinasse, plus tranché que le premier. Et du coup, allez écouter ça fort fort, comme on dit. Alors nous, on a été où ? On a été où ? On va s'écouter ça une fois et après on va faire les le refrain. Il va falloir des paroles. La croisière disco, elle roule sur les flots, le tango matelot. La croisière disco. Si vous avez des paroles pour le refrain, l'espèce de montée là, surtout vous n'hésitez pas. Mais je partirai jamais. Mais je partirai jamais. 7. Croisière illimitée. La croisière disco. Je partirai jamais de cette croisière illimitée. Toi tu es classé beau. C'est la croisière disco. Elle ne te mène pas en bateau et elle rime avec tango. Partirai jamais de cette croisière illimitée. Je vais naviguer jusqu'à la. Évidemment, les chiens n'aiment pas ça hein, quand je suis dans les aigus. Je sais pas si vous entendez. Et je vais naviguer jusqu'à. Elle tend au matelot. La croisière disco. Elle a tout ce qu'il te faut, surtout du goût vagogo. Yeah. Mais je partirai jamais de cette croisière illimitée. Je vais naviguer jusqu'à en crever. Jusqu'à en crever, c'est bien ça. Hop, un peu extrême. Hop, évidemment, les toutous. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais voir les toutous. Je vais aller rassurer tout ça. En attendant, je vous mets un peu de musique. Pour pas que vous vous sentiez seul, ça serait vraiment fort dommage. Hop. Ouf, ouf, ouf, ouf. Voilà, je vous mets ça, je vous dis à tout de suite. Voilà, retour, la toutouterie normalement est calmée, j'espère. Hop, petite pause, et donc... mais je partirai jamais de cette croisière illimitée et je vais naviguer jusqu'à en crever. C'est un peu court jusqu'à en crever, je pense, pour le refrain. Mais je partirai jamais de cette croisière illimitée. Moi, j'ai une phrase de casse. Et je vais naviguer jusqu'à ma destinée. Jusqu'à ma destinée. L'acte. C'est mieux. C'est mieux. Jusqu'à ma destinée. Voilà. On va essayer d'enregistrer ça sans que les toutous ne gueulent. Faut espérer, c'est tout. Hein. Et je vais un peu pousser sur ma voix. Dans les aigus, donc je bois l'eau. Voilà, on va essayer de d'avoir un truc très disco. Pareil, il va falloir que je fasse plusieurs voix et tout. On est parti pour un peu de travail, quoi. Il nous reste combien de temps, hein? 1h10. 1h10, allez, c'est parti. Oh, surtout du groove à gogo. Mais je partis jamais de cette croisière illimitée. La croisière disco. Ok, qu'est-ce que ça donne ça déjà, juste ça? Mais je partirai jamais. Avec plusieurs voix, ça va le faire, je pense. Hop. On va faire ça, et celle-là je vais mettre un peu plus de reverb et tout ça, et je vais la mettre plus en arrière. Vous allez voir, ça va être bien. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, on va baisser les aigus, mettre un peu plus de grave, tout ça, et on va... Je vais partir. On va faire la même chose. La même chose, simplement, mais plus au fond. Je partirai jamais de cette croisière illimitée. La quoi? Alors, qu'est-ce que ça donne? Mais je partirai jamais de cette croisière. Croisière. Faut la mettre bien au fond, je pense, mais ça marche. Faut la mettre bien au fond. Classe. Mais je partirai jamais de cette croisière illimitée. Allez, on va faire ça. On va faire la deuxième partie. Il y a le toutou qui est juste derrière la porte. J'espère que ça va aller. Et elle rime avec tango. Mais je partirai jamais de cette croisière illimitée. Jusqu'à ma destinée. La croisière disco. Ça me paraît pas mal. Mais je partirai jamais. Allez, je vais faire ça pour le dernier. Mais je partirai jamais de cette croisière illimitée. naviguer. Jusqu'à ma destinée. Voilà. On va faire les deuxièmes voix. Alors je vais faire les mêmes. Et pour se faire plaisir, je vais même laisser que cette deuxième voix là. Je vais enlever ça comme ça, voilà. Alors, que les effets. Ok, hop, le dernier. Mais je partirai jamais de cette croisière illimitée. Et je vais naviguer jusqu'à ma destinée. Ok, on va essayer de faire une deuxième voix. On va essayer de faire une deuxième voix. Soit première, non, on partira à deuxième. Mais je partirai jamais. C'est comme ça. Desuke, oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure, oui, pour le résultat final. Certainement. Oh là là, toujours à faire gueuler. Ça va. Hold, stop. Voilà. J'ai coupé le micro, que ça servait à rien. Je partirai, mais je partirai jamais. Je partirai jamais. Parce que quand je suis déjà très aigu, je suis un peu à la limite. Et je partirai jamais. Oh là là, bon, je reviens. Je vais aller calmer le toutou encore une fois. Parce que, voilà, musique. Et musique. Allez, hop, je reviens. Désolé encore. Voilà, j'espère que ça va aller cette fois-ci. On va trouver une solution. Mais je partirai jamais. Faut vraiment que je parte en haut, quoi. Et je partirai jamais. Bon, sûr, je fais vraiment une voix de tête, quoi. Partirai, je partirai jamais. On peut essayer. Voilà. Je partirai. Peut-être pas cette voix de tête là. Mais je partirai jamais. Parce que c'est une voix de tête, mais une voix de tête assez basse, quoi. Partir. Oh là là, hold, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que c'est ça? Mais je partirai jamais. Mais j'arrive pas à trouver. Mais je partirai jamais. En suivant les. Mais je partirai jamais. Ouais, on va essayer ça. Je partirai jamais. En suivant les cuivres. Mais je partirai jamais. cette croisière illimitée. Et je vais naviguer jusqu'à ma destinée. La croisière. Est-ce que c'est bon ça? Hop, je vais le mettre direct ici. Pas mal, mais... De cette croisière illimitée. Et je vais naviguer jusqu'à ma destinée. La croisière disco. C'est pas mal, c'est pas mal. On est où? Elle roule sur les flots. Elle tango mat. Je vais faire des chœurs. En suivant les trompettes, donc ça. On va faire ça tranquille. Je vais enlever les trombones je vais faire après. Ça j'aurai deux voix, ça c'est cool ça. J'aime quand il y a plusieurs voix. Oula, ouais, un peu avant peut-être. Et elle rime avec tango. Pardon, j'étais pas prêt. Et elle rime avec tango. Ouais, deux fois c'est bien. Hein. Deux fois c'est bien, je pense. Hop. Et comme ça, je vais juste le. Dégage de la toile. Je vais juste le l'étirer, enfin pas l'étirer, le mettre en boucle. Mais je partirai jamais de cette croisière illimitée. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, je vais mettre ça pour que ma boucle se fasse toute seule. Voilà. Et après, je vais faire les quintes. Et elle rime avec tango. Oh. Mais je partirai jamais. Dernière note, je l'ai pas. Wow. Je l'ai très juste. C'est peut-être ma limite. Quoi. Peut-être qu'on arrive à ma limite. Et elle rime avec tango. Oh. Voilà. Est-ce que ça marche? Ok, on va faire la même chose, mais avec les... Avec la quinte, à savoir ça. Oh. je partirai jamais. Il est chaud celui-là. On va le faire comme ça. Et elle rime avec tango. Pareil, celui-là, je vais le doubler. Il faudrait que je le fasse à l'octave, ça. J'essaye. J'avais pas la bonne note à la fin. On devra, je peux regarder. On va pouvoir redescendre ça qui était quoi moins. Je suis pas méga convaincu. Et elle rime avec tango. Mais je partirai jamais de cette croisière disco, elle roule sur les flots. Elle... tango matelot. La croisière disco, elle a tout ce qu'il te faut, surtout du beau vagogo. Faire un petit non juste là, ça va être rigolo. Non truc comme ça. Peut-être que ce sera deuxième partie ici. Mais je partirai jamais de cette croisière illimitée. Bon, pareil, celui-là, je vais le redoubler 114 fois, à peu près. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement, hop, je vais faire ça, voilà. Ah là là là là, il veut pas, ça veut pas. Pas du tout lui, pourquoi on n'entend pas? Je vais les enlever de cette piste là. Comment on fait? Dégrouper, non, pas une jolie piste, c'est pas ça? Qu'est-ce que c'est ces cravistouilles? Hop, voilà, et hop, toi aussi, voilà. Allez, on va s'en faire deux autres. L'astuce, c'est qu'on va simplement changer le moment où on démarre le bousin. Voilà, tout simplement. Clac, évidemment, tue le boucle, espèce de débile. Ah là là, tout leur dire. Hop, et toi, ici. En vrai, techniquement, je pourrais en faire d'autres. Je pourrais complètement faire plein d'autres. On va voir s'il y a besoin. Je suis pas sûr. J'aime pas en fait. J'aime pas. Non. C'est pas ça, c'est pas le rendu que je voulais quoi. Je fais là. Compliqué à dire. Non. Ok. Bon, on va faire une petite pause là. On va s'écouter ça depuis le début. Voir s'il n'y a pas d'autres trucs à faire ailleurs. Il faut une intro, il faut une outro aussi. Cela dit, là, comme ça peut marcher, hein, mais bon. Dans l'idéal, puisqu'on a encore 40, un peu moins de 45 minutes. On va s'écouter ça. La croisière disco, elle roule sur les flots. Ah. Hop, il y avait un petit problème sur la batterie. Rien de bien grave, rassurez-vous. La croisière disco, elle roule sur les flots, le tango matelot. La croisière disco, elle a tout ce qu'il te faut. Surtout du groove à gogo. Mais je partirai jamais de cette croisière illimitée. La croisière disco, bienvenue au château. Classé beau. Limite celle-là. C'est la croisière disco. Elle ne te mène pas en bateau. Et elle rime avec tango. Croisière disco, elle roule sur les flots, elle tangue au matelot. La croisière disco, elle a tout ce qu'il te faut, surtout du bout vagogo. Ok, on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc on a dit ouais, que j'allais faire une voix ici un peu plus un peu plus chuchotée comme ça. Ouais, comme ça on va chuchoter. Ouais, on chuchote, on va baisser encore plus tes culs. À partir de là, je pense. De cette croisière. Croisière disco, Non, je crois qu'on va faire, on va laisser ça là et on va faire à partir de de là. Jusqu'à ma destinée, la croisière disco. La croisière disco. Elle roule sur les flots. Elle roule sur les flots. Elle, ah, elle roule pas, elle vole. Abruti. La croisière disco. La croisière disco. Elle roule sur les flots. Elle roule sur les flots. Elle tangue au matelot. Elle tangue au matelot. La croisière disco. La croisière disco. Elle a tout ce qu'il te faut. Elle a tout ce qu'il te faut. Si tu crois pas go-go. Tu crois pas go-go. Ok, et là je vais le faire, je la mets dans la boîte celle-là. La croisière disco, elle roule sur les flots, ou elle tangue au matelot. La croisière disco, elle a tout ce qu'il te faut, surtout du bon vague. La croisière disco, elle roule sur les flots, elle tangue au matelot. La croisière disco, elle roule sur les flots, elle tangue au matelot. La croisière disco, elle a tout. Merci Taylormix. Mais je partirai jamais. Alors essaie de se faire une voix un peu comme ça là. Pour la dernière. Hop. Un peu over the top. Je sens que les toutous vont pas apprécier. Est-ce qu'on laisse le toutou à la fin? On peut, hein? On peut. Est-ce qu'on laisse le toutou à la fin ou pas? Qu'est-ce que ça donne ça? Je vais faire ça juste la troisième partie, je suis un peu faux. De cette croisière illimitée. Bon, peut-être que je l'ai fait un peu lent. Peut-être. Ce que je vais essayer de faire, c'est enlever tout le reste pour garder que ça. Et normalement, ouais, ça c'est bien, ça c'est beau la technologie. Hop. Il a enregistré. Parce qu'il était cool quand même, ce cri. Ouh. Salut à la routine. Je vais pas réussir. À la rue. Ah, attends. À la routinienne. À la routine. Je vais y arriver. À la routinulienne. À la routinienne. À la routinienne. Comme ça, qu'on prononce ton pseudo. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Hein. Sa gueule de cette façon dans les discours. Ah, bah, attends, t'as jamais entendu Aretha Franklin? On fait des caisses. Hein. Alors peut-être que normalement elle a une voix un peu moins chatouilleuse. Mais écoute, c'est ma voix, à un moment donné, je fais ce que je peux aussi, hein. Moi je trouve que ça marche pas mal. Je vais laisser le petit Harold qui fait oui, oui, comme ça, c'est très bien ça, c'est très très bien, parce que tu peux, c'est déjà bien, ouais ouais. Écoute, point de vue tout, ah, déjà, alors, on va faire une petite intro, on va faire une intro, on va mettre que, ouais, simple, basse, tac, créer, insérer, silence, voilà, on va mettre 4. On va faire un truc simple pour l'intro, basse, batterie. Toun, toun, toun, toun, toun, toun, toun. Comme ça, quoi. Disco Fever, quoi. Le move du petit Harold, oui, on va le laisser. C'est trop mignon. Oh là là, c'est trop mignon. Disco, elle roule sur les flots, le tango matelot. La croisière disco, elle a tout ce qu'il te faut, surtout du groove à gogo. Croisière disco, bienvenue au château, où tu es classé beau. On dirait Borat Disco Dance. Dis ça, Borat. Elle ne te plaît pas en bateau, et elle rime avec tango. Croisière disco, elle roule sur les flots, elle tangue au matelot. croisière disco. Elle a tout ce qu'il te faut. Surtout du bon vagogo. On va être plus au fond, ça. Parce que c'est cool, mais ça dénote avec le reste. On va le faire démarrer avec le reste. Son village au début, ouais, peut-être, peut-être. Alors, je les vois danser, mais je ne me souviens pas du disco. Je l'ai vu il y a longtemps, Borat. Il était très bien. Il était très bien. Et quand on voit ce que sont devenus les États-Unis, on se dit qu'il y avait du pif quand même. Bref, sur une note joyeuse. Est-ce que vous voyez quelque chose à muter? C'est-à-dire à faire mieux? Combien de temps ça dure ce truc-là? À peu près 2,57. 2,50 à peu près. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il nous reste quoi, 28 minutes. Moi, je vous cache pas qu'aujourd'hui, ça m'arrange de finir un peu plus tôt que d'habitude. Donc, à moins que vous voyez quelque chose à améliorer, surtout, vous n'hésitez pas à dire les trucs. Parce qu'on est sur une composition participative, hein. Surtout, faut pas avoir peur. Même si vous y connaissez rien, vous pouvez essayer avec vos propres mots de dire « Ah, ça va pas. » Mais pour ça, on va se l'écouter une fois en entier. Et s'il n'y a rien, ben, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, moi. Ça, pour moi, un disco, ça ne m'inspire pas. Disco ou pas, je veux dire, si t'as un truc que tu trouves que ça marche pas, tu le dis. Si t'as une idée, un truc qui serait mieux, tu le dis aussi. On s'en fout, hein. La croisière disco, elle roule sur les flots, le tango matelot. Croisière disco, elle a tout ce qu'il te faut, surtout du gros vagogo. Croisière disco, bienvenue au château, toi tu es classé beau. C'est la croisière disco, elle ne te mène pas en bateau, et elle rime avec tango. Je partirai jamais de cette croisière illimitée. Et je vais naviguer jusqu'à ma destinée. La croisière disco. Croisière disco, elle a tout ce qu'il te faut. Petit Harold. Bah c'est pas mal je crois. Hein. La croisière disco. Là j'ai envie d'en faire un peu plus des caisses à la fin quoi. Je suis à B1. J'ai envie de doubler ça. Hop. Et donc évidemment il faut le mettre là aussi. Et ça aussi je vais mettre à l'octave. Ah non. Hop, là je suis en B2. Pour que ce soit un peu plus basse que ça. Vous voyez la différence? C'est un peu plus balèze quoi. Si vous voyez. Hop, ça je vais le décaler un peu. Parce que j'ai. Alors, ce petite montée là, je l'aime beaucoup. Moi, je suis pas fan de cuir d'habitude, bah, ça marche vraiment bien. Petit Harold à la fin, il est mignon. Un peu relou mais mignon. Bon écoutez, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal. On va se mettre un peu de Zikmu pour clôturer tout ça. Allez, est-ce que j'y arrive? Voilà. Très bien. Messieurs, dames, mesdemoiselles et tout ce qu'il y a entre et au-delà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce petit stream, petit bilan, les accords c'est bon, c'est les couplets, ils sont compliqués ces accords, en fait ils me frustrent parce que le mi mineur il reste en l'air et on a envie de le résoudre et non quoi, enfin, la dernière fois je l'ai résolu quand même je crois, il me semble la dernière fois je l'ai résolu, c'était pour la spéciale Badum 48, que j'ai tombé sur ces accords là et je l'avais résolu avec un ré majeur. Voilà la technique, le bourdon. Alors, on va pas beaucoup utiliser, mais là, effectivement, hop, je vous remets ça. Ici, là, le ça là, c'est ce qu'on appelle un ostinato. Il bouge jamais. Il bouge jamais, mais avec le changement d'accord, en fait, c'est ça qui fait tout le truc. Écoutez. Et encore, c'est pas vraiment un accord, c'est juste la trompette, donc c'est une seule note, mais avec le vrai accord de cet écoutez. On dirait qu'il fait pas la même chose, parce que sa référence change, c'est-à-dire les accords. Les accords changent, et donc on dirait que lui fait pas la même chose, alors qu'il fait exactement la même chose. Donc c'est assez cool. L'ostinato, c'est bon, et Travolta et une boule à facettes. Ma foi, pour moi c'est disco. Pour moi c'est disco, il y a un peu de rock dedans, c'est vrai. Les influences à un moment donné, on peut pas changer non plus. Et donc voilà. Et donc voilà, on va se quitter là. Un peu plus de 20 minutes, un peu moins de 20, avec un peu moins de 20 minutes d'avance, c'est pas très grave. Écoutez, à un moment donné, quand on sort des masterclass comme ça là, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Voilà. Ça, c'est histoire de bien me faire détester par tout le monde. Donc, je vous quitte là-dessus. Je vous dis à lundi prochain. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée sur YouTube, sur Spotify et sur Radio No Culture, sur le site de Radio No Culture à la demande, à partir de cet après-midi pour YouTube. Spotify, ça vient assez vite aussi. Rediffusée les mardis et jeudi soir sur Radio No Culture, sur le DAB+, à Bordeaux. Et que ici on est en direct sur Twitch tous les lundis et tous les mercredis à 10h, Hilargi avec un H au début, H-I-L-A-R-G-I, si vous écoutez ça à la radio en fait. Et voilà, à chaque fois on fait une nouvelle petite compo comme ça, avec des contraintes différentes. Je vous dis merci, je vous dis à lundi tout le monde, et voilà, passez un bon week-end et tout. Et voilà, salut tout le monde, à lundi! La croisière disco, elle roule sur les flots, le tango matelot. La croisière disco, tout ce qu'il te faut, surtout du groove à gogo. Yeah.